De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1 et pour poursuivre l'émission, on va aborder non pas un thème scientifique mais le thème du journalisme scientifique lui-même. Alors pour faire son travail, un journaliste doit évidemment rencontrer des experts, des spécialistes du sujet qu'il veut couvrir. Dans le cas des journalistes scientifiques, ces experts sont évidemment des scientifiques. Et les journalistes rencontrent donc des biologistes, des physiciens et autres pour acquérir leur information. Seulement, certains scientifiques sont de plus en plus difficiles à rejoindre. Ce sont les scientifiques du gouvernement fédéral. Et on parle même de muselage des scientifiques fédéraux par le gouvernement. Alors pour nous parler de cette situation, nous avons en ligne Binan Vuvan, qui est journaliste scientifique à l'émission Le Code Chastenay. Bonjour Binan. Bonjour Valérie. Alors peut-être on va commencer par dire un petit peu de quoi il s'agit de démuseler les scientifiques du gouvernement. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'il y a des exemples concrets qui pourraient illustrer la situation? Alors oui, on a vu... Depuis 2008, depuis l'arrivée finalement du nouveau gouvernement majoritaire conservateur, un changement dans les pratiques et dans les pratiques en communication. On le voit dans tous les domaines, mais aussi particulièrement en communication scientifique. Alors auparavant, pour un journaliste, les journalistes avaient librement accès aux scientifiques fédéraux. Donc, c'était assez facile, par exemple, s'il y avait un rapport qui sortait, de contacter, d'appeler le scientifique, tout simplement, et lui demander, bon, est-ce que vous voudriez m'expliquer tel ou tel nombre? Est-ce que vous voudriez m'expliquer vos résultats? Vous avez publié dans telle publication? Donnez-nous davantage d'informations. Et puis, il prenait son appel dans son bureau et c'était simple comme ça. Depuis 2008, et ça a commencé par Environnement Canada. Environnement Canada a installé en 2008 une nouvelle politique où tous les appels de journalistes doivent systématiquement passer par le Bureau des communications de Ottawa. C'est-à-dire que on ne peut plus appeler un scientifique à partir du moment où on appelle un scientifique fédéral. Le scientifique doit absolument nous référer, donc référer les journalistes au service des communications. Mm-hmm. Et là, c'est le service des communications qui décide. Alors, donc, s'il accorde l'entrevue, donc ça arrive souvent, en fait, il n'accorde plus pas l'entrevue, ou tout simplement le service des communications va demander aux journalistes de rédiger les questions et de les soumettre au service des communications. Les services des communications vont rédiger des réponses avec les scientifiques, etc., etc. Et donc, ça prend un temps fou, et donc, on n'a plus un accès libre aux scientifiques, et il y a des cas. Alors, il y a des cas très clairs qui sont arrivés dans les dernières années, qui sont bien connus, qu'on utilise beaucoup pour illustrer la situation. Donc, le cas, par exemple, de David Tarasic, Environnement Canada, qui a publié en octobre, si je ne me trompe pas, dans Nature, donc cette fameuse... ils ont découvert qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone qui s'était formé aussi gros que deux fois l'Ontario, donc un immense trou. Mm-hmm. Ils ont publié ça dans Nature. Et une fois publié, donc les journalistes ont voulu en savoir davantage et ils n'ont pas... Donc, ils ont, comme la procédure le demande, demander des entrevues avec le professeur Tarasic et ils n'y ont pas eu accès pendant 3 semaines, donc le moment où, pendant tout ce temps-là où on avait besoin de son retour, d'informations supplémentaires, tout simplement, les services de communication disaient « on ne peut pas vous accorder l'entrevue » et le docteur Tarasic lui-même a dit à Mike de Souza, de Post Media News, au journaliste, il lui a dit « je parle quand le service des communications décide » que je peux bien parler. Donc on voit que il est pas très libre de parler. On voit aussi le cas de Christy Miller, une chercheure de Pêche Océan Canada, qui avait publié cette fois, je pense, dans Science. Donc une étude sur le déclin, les causes possibles du déclin du saumon dans l'Ouest Canada, et c'était lié à un virus probablement apporté par l'élevage aquatique. Reste que Science, quand elle a fait la publication, ils ont émis un communiqué de presse, ils ont invité tous les journalistes de la planète à appeler Mme Miller, et évidemment, à ce moment-là, le gouvernement a décidé que non, ils n'accordaient pas d'entrevue. Apparemment, ce serait... Donc, il y a eu plusieurs niveaux d'approbation, de refus. Je pense qu'en bout de ligne, c'est le bureau du conseil privé qui a refusé qui a décidé qu'il fallait pas que Mme Christy Miller accorde les entrevues. Et d'ailleurs, récemment, la BBC a voulu écrire un article sur le sujet, sur le muselage des scientifiques canadiens. Le journaliste Palab Ghosh a encore essayé de joindre Christy Miller pour demander « Est-ce que vous voulez nous accorder une entrevue? » Et là, évidemment, le service des médias a à nouveau refusé qu'on parle à Christine Miller. Et là, le journaliste a demandé à Christine Miller, mais mettons qu'on vous avait accordé l'autorisation de parler, est-ce que vous auriez voulu nous parler? Et Mme Miller a répondu par courriel, oui, j'aurais aimé vous parler. Oui, c'est donc, ça, c'est pas parce qu'ils sont pas disponibles, c'est parce que vraiment, on leur met des bâtons dans les roues, en quelque sorte. C'est ça, c'est ce, ouais. ce que plusieurs journalistes disent, l'interprétation, c'est que le gouvernement fédéral décide quand et à qui les scientifiques fédéraux parlent. Mm-hmm. Ça, c'est des cas clairs. Mm-hmm. Mais dans la plupart des cas, en fait, les délais de réponse sont tellement élevés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une demande média, il faut passer par tellement de procédures que en fait, ça dépasse toujours les délais. Et pour la presse quotidienne, c'est presque impossible, finalement, d'avoir accès aux scientifiques fédéraux, donc avoir leur avis, leur opinion, et souvent, c'est des experts internationaux auxquels on ne peut plus parler. Et moi, quand je parle à mes collègues, journalistes scientifiques, dans les quotidiens, ils disent tout simplement, ben, on a renoncé à essayer d'appeler les scientifiques fédéraux. Puis même quand il s'agit de petits sujets bénins, ne serait-ce que pour accorder des entrevues aux débrouillards, pour des petits magazines, des petites questions très simples, anodines, il faut encore passer par ce long processus-là. Ouais, ouais. Et on voyait, par exemple, la BBC disait que, bon, je pense pas que Océan Canada avait dit l'année dernière, ils vont accorder... 280 entrevues à Pêche et Océan Canada. Mais 280 entrevues pour tout Pêche et Océan Canada, on s'entend que c'est pas beaucoup dans une année d'entrevues accordées comparées. Oui. Surtout, ce qui est vraiment troublant en plus, c'est que c'est pas des informations confidentielles, puisqu'elles sont publiées dans des revues, je veux dire, ouvertes, mais pas ouvertes parce qu'elles sont pas gratuites, mais c'est publié, c'est de l'information scientifique qui est divulguée dans les médias, dans les revues scientifiques, donc c'est pas des secrets. Exactement, oui. Alors donc, je comprends que ça freine un petit peu le travail des journalistes scientifiques, puis que ça nuit à la diffusion des connaissances scientifiques en même temps. Mais il y a une espèce de ce qu'on pense, c'est qu'il y a un filtrage idéologique. Oui. Donc, on a beaucoup vu ça aux États-Unis, mais donc on pense ici, bon, on l'a vu, ça a commencé environnement Canada et maintenant on le voit dans la plupart des ministères maintenant fédéraux. On pense qu'il y a un filtrage idéologique. Donc, l'information scientifique, bon, il y a une certaine quantité d'informations scientifiques qui est produite au Canada et il y a seulement une partie de l'information qui se rend à un public qui est choisi par le gouvernement fédéral, donc une information qui est choisie. Donc, il y a une espèce de filtrage, donc on reçoit moins d'informations. Mm-hmm. Et j'avais vu qu'il y avait une petite étude de Réseau Action Climat Canada, je crois que ça s'appelle, qui a été faite, et disait que depuis que la politique a été instaurée, il y avait un déclin entre 2007 et 2008, donc la politique a été installée en 2008 à Environnement Canada, il y a eu un déclin de 80% de la couverture des sciences climatiques dans les médias, parce que les chercheurs n'accordaient plus d'entrevues, et ils ont pris 4 chercheurs qui donnaient beaucoup d'entrevues, et ils ont dit en 2007, ils ont accordé à eux 4, 99 entrevues, et l'année suivante, en 2008, ils en ont accordé 12. Donc, on voit que forcément, le public reçoit moins d'informations, et c'est moins, finalement, ce qui se passe dans les laboratoires, et on rappelle que c'est de la recherche qui est financée par des fonds publics. Oui. Alors, comment réagissent les scientifiques, mais aussi les journalistes? Est-ce qu'il y a des prises de position? Est-ce qu'il y a des, des actions qui sont prises pour essayer de dénoncer tout simplement la situation? Alors, ça a été beaucoup dénoncé, surtout du côté du Canada anglais. Il y a eu plusieurs journalistes, il y a eu la Canadian Science Writer Association, donc association au singulier, pardon, qui représente les communicateurs scientifiques canadiens, qui a fait des lettres ouvertes. Il y a eu plusieurs prises de position. Les scientifiques sont restés assez silencieux parce que c'est sûr que leur job est en péril. Ouais. Cependant, il y a plusieurs scientifiques qui ont pris position, plus les scientifiques académiques, donc les universitaires. Il y a eu des lettres ouvertes. Nous-mêmes, on a donc l'Association des communicateurs scientifiques, on vient d'en écrire une au début de l'année. Il y a eu des tables rondes, mais je pense que ça a pris du temps avant que tout le monde s'entende sur le fait qu'il y ait bien un problème, que oui, tous les journalistes scientifiques semblent vivre un problème, parce que, comme je disais, c'est souvent, ils nous refusent rarement directement les entrevues, c'est plutôt des délais, on sait pas trop, est-ce que c'est normal, ils ont pas le temps, ils sont débordés, et puis à un moment donné, je pense que ça a pris du temps avant qu'on se rende tous compte qu'effectivement, on a des bâtons dans les roues, puis on n'arrive pas à travailler. Oui, puis aussi, bon, non seulement ça prolonge les délais, mais aussi comme les journalistes doivent parler à une par personne interposée, finalement, ils font affaire plus avec les personnes en communication qu'avec le journaliste. Donc, oui. J'imagine que si on veut de la rétroaction, si on veut réagir à une réponse fournie, bah, c'est un autre 3 semaines où il n'y a pas de rétroaction possible. Finalement, il n'y a pas de questionnement, de dialogue possible entre le journaliste et le scientifique non plus. Non, c'est ça. Mm. Puis le fait de rédiger les questions d'avance, puis on sait exactement, les services de communication doivent absolument savoir c'est quoi les questions qui vont être posées. Oui. Disons que ça rend tout simplement toute la diffusion du savoir beaucoup moins facile. Oui. Alors, est-ce que ce mouvement, cette stratégie de communication du gouvernement, finalement, est-ce qu'elle est sortie comme ça d'un seul coup, ou est-ce qu'elle n'était pas déjà, est-ce qu'elle n'a pas été influencée par ce qui se passait aux États-Unis? Bien, c'est sûr qu'on voit une corrélation assez importante avec l'arrivée donc du parti conservateur au pouvoir avec le gouvernement de Stephen Harper. C'est sûr qu'il y a une forte influence avec de ce qui s'était passé aux États-Unis sous George Bush, où il y avait eu le même genre de situation où toutes les politiques de communication se sont resserrées. Donc c'est arrivé il y a eu des journalistes, donc c'est surtout au Canada anglais, la journaliste Margaret Monroe qui a lentement dénoncé la situation, et donc elle en a pris connaissance en 2008, donc je disais d'abord par Environnement Canada, donc elle voyait qu'il y avait changement dans les façons de faire. Elle a trouvé en effet qu'il y avait une politique qui était sortie, ils sont tombés sur un PowerPoint interne qui en effet disait qu'il fallait à présent que tout le monde se réfère aux services du média, parce que en fait ce que Environnement Canada disait, c'est étant donné que nous avons un ministère, un site web, nous devons avoir une voix, et c'est pour faciliter finalement les communications. Ah, et oui. On ne veut pas que le ministre ait des surprises. Ouais. Donc c'est ça la raison qui est présentée à tout le monde. Et oui, après on a vu par la suite ces pratiques-là se répandre aussi donc à Pêche Océan Canada, Ressources naturelles, et donc lentement se diffuser, puis probablement, oui, que c'est des politiques qui sont très inspirées de ce qui se faisait, on va dire, au passé, ou ce qui se fait un petit peu encore aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il en est aussi de l'accès aux scientifiques québécois? Est-ce que la contamination, si je peux dire, peut arriver jusqu'au gouvernement, jusqu'aux scientifiques des ministères québécois? Alors, c'est, en effet, on a vu aussi un resserrement des politiques au gouvernement québécois. Étant donné que les journalistes semblent, c'est quelque chose qui semble de plus en plus naturel en général, passer par le service des relations médias au gouvernement fédéral, mais aussi en général dans le domaine privé. Donc de plus en plus, c'est normal de passer par un agent de communication au gouvernement provincial. Et c'est certainement plus certain des certains ministères, donc ministère de l'Environnement, par exemple, qui est beaucoup plus serré. Par contre, au provincial, on a beaucoup moins de scientifiques qu'au fédéral. Mm-hmm. En général, c'est les scientifiques qui sont là ont des postes de cadre plus que des postes de chercheurs en général. Donc, c'est beaucoup moins sévère en général. Okay. Mais moi, j'ai vu parmi mes collègues, il faudrait vraiment enquêter sur la question puis sortir les politiques officielles, parce que mes collègues ne semblaient pas exactement le savoir. Mais oui, on voit récemment, puis il y a beaucoup de... Moi, je le vois chez les collègues journalistes, il y a beaucoup de frustration aussi quand on veut joindre certains chercheurs. Et puis oui, c'est normal maintenant de transmettre ces questions aux services des communications, etc., aussi aux... Mm-hmm. provincial. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut penser à une nouvelle approche? Qu'est-ce que les journalistes et les scientifiques concernés aussi, qui veulent faire connaître, partager leurs connaissances aussi, est-ce qu'on peut penser à une nouvelle approche pour faciliter la communication entre les journalistes et les scientifiques? En fait, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, mais c'est sûr que c'est beaucoup entre les mains du gouvernement Harper. Je pense, en général, une politique de communication assez... dans tous les domaines, hein, dans toutes ces pratiques, donc ils veulent avoir un contrôle de ce qui sort dans les médias, c'est leur façon de procéder en général. Mais je pense je ne sais pas si on peut espérer que de ce gouvernement-ci les choses changent. On espère, c'est ce qu'on a annoncé. Donc il y a eu, je retourne un petit peu, donc on a eu cette année, je pense qu'on s'est entendu plupart des associations de communicateurs et de scientifiques, on s'est tous rendu compte que c'était parmi nos priorités de vouloir traiter de ce sujet-là. On avait tout ça sur un coin de la table, puis on s'est tous rendu compte que finalement c'était un vrai problème puis qu'on voulait travailler ensemble. Donc on va essayer ensemble de mettre une pression, donc de faire campagne auprès du gouvernement, donc de les sensibiliser puis d'essayer de changer les choses. Je ne sais pas si on peut espérer que quelque chose change sur ce gouvernement-ci. Reste que aux États-Unis, ben, je pense qu'on peut voir, en effet, c'est possible une ouverture des communications parce qu'on l'a vu aux États-Unis. Ah, donc oui. Ça veut dire que les États-Unis, ils reviennent un petit peu sur leur position? C'est ça, exactement. Alors, aux États-Unis, alors, quand on demandait aux spécialistes qu'est-ce qui a fait qu'aux États-Unis, ils sont revenus à leur position, quel est l'élément clé, ben, ils disaient l'élection d'Obama. C'est sûr que ça a été ce qui a permis de changer les choses. Obama a promis un gouvernement transparent, puis des politiques d'intégrité scientifique irréprochables. Donc, disons que toutes les campagnes de pression, il y a eu quand même énormément de pression pour que les choses changent. Il a fallu que des associations, des groupes de pression talonnent le gouvernement à chaque pas pour qu'il change les choses. Mais là, on voit dans presque tous les ministères et dans presque toutes les agences aux États-Unis une ouverture des politiques de communication. Les scientifiques peuvent à nouveau se mettre à parler aux journalistes presque sans interférence. Donc, ils l'ont annoncé maintenant, c'est-à-dire qu'ils l'ont sur papier, par exemple, la NOAA, la National Organization for Atmospheric les mots m'échappent, mais c'est l'agence de recherche qui s'occupe de la recherche pour l'atmosphère et l'océan. L'organe fédéral qui gère cette recherche-là, pardon. Alors, ils ont annoncé que tous leurs scientifiques, ils ont invité tous les scientifiques à parler directement aux journalistes sans l'intervention d'un agent de communication. Et ils ont même dit, vous pouvez même exprimer vos opinions personnelles pour autant que vous dites que c'est pas l'opinion de la NOAA. Donc ça c'est un peu ce qu'on souhaite ici. Donc c'est un peu ça qu'ils ont annoncé dans toutes les agences, dans tous les ministères. Donc nous on voudrait la même chose ici. Puis donc là-bas ça reste encore à être appliqué, mais on voit qu'il y a au moins une intention qui est véritable. Donc on peut espérer que peut-être que oui ils vont desserrer les choses. Et si il y a un véritable mécontentement comme on le voit, donc ces temps-ci, dans les dernières semaines, on a vu Nature a dénoncé le Canada, donc la prestigieuse revue scientifique. Ouais. Donc, c'est une autorité en science quand même qui pointe du doigt le Canada. La BBC, donc, il y a eu un article qui est sorti qui a beaucoup, beaucoup été lu, beaucoup, beaucoup commenté. Si l'opinion du Canada en pâtit, peut-être qu'on va voir au moins, peut-être probablement qu'ils vont faire un petit peu plus attention, en tout cas avant d'utiliser des scientifiques. Mais en tout cas, c'est certainement un dossier très important à suivre. Où est-ce qu'on peut trouver de l'information, d'ailleurs, si on veut en savoir plus, parce que c'est quand même assez intriguant, les cas de muselage des scientifiques? Oui, alors on recensit les cas de muselage, on répertorie ça, donc on voit ça sur le site de l'ACS, donc c'est le site de l'Association des communicateurs scientifiques, donc c'est acs.qc.ca. Et on retrouve là, vous allez voir, il y a un super dossier de presse où il y a une ligne du temps avec tous les cas qu'on connaît au Canada dans les dernières années, puis aussi les différentes lettres ouvertes, les prises de position des journalistes et des scientifiques au cours des dernières années. Et puis, sur Twitter, vous pouvez suivre aussi, il y a pas mal d'activités sur le hashtag UnmuzzleScience. Oui, ben, c'est assurément un dossier assez important parce que finalement, ben, restreindre l'accès aux scientifiques, c'est aussi le priver le public d'informations scientifiques. Puis ça, en d'autres termes, c'est une forme de censure, il me semble. Oui. Alors, merci beaucoup, Binane, de nous avoir dépeint la situation. Merci à toi, Valérie. Au revoir. Au revoir. Et pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion entre le muselage des scientifiques et les coupures de budget et de postes dans certains domaines scientifiques, notamment en environnement, on peut se demander où s'en va la science et où s'en va le gouvernement fédéral. Alors après ces questionnements, on va se mettre un petit peu de bonne humeur sur ces KRL au 89.1 et faire une pause musicale.